Chapitre deuxième. Le duc accourut. Il était un peu pâle et ému, bien qu'il cherchât à se dominer. Grand de taille et robuste, il avait une barbe encore sombre sur des mâchoires de dogue, une bouche gonflée et impérieuse, pleine d'un souffle véhément, des yeux troubles et voraces, un grand nez frémissant coloré par la crapule. « Eh bien ?» demanda Don Filippo, haletant dans un râle qui semblait devoir l'étouffer. « N'ayez pas peur, mon père, je suis ici. » répondit le duc en s'approchant du lit, tâchant de sourire. Malzagrogna restait debout, devant un des balcons, regardant au dehors, attentif. Il n'arrivait plus de cris, on ne voyait plus personne. Le soleil déclinait dans un ciel pur, touchait déjà le sommet des collines. Large, comme une meule et rouge, il semblait broyer ses douces lignes azurées. Toute la campagne était un incendie couvé, et le vent était comme la palpitation de l'ardeur. La corne claire de la lune perçait la bande caligineuse au-dessus des pinets de Ziski. Les bourgs sauvages, de loin, envoyaient les éclairs de leurs vitres et les tintements de leurs clochers. Des feux commençaient à briller sur les hauteurs en couronne. On aurait dit qu'ils allaient rapidement dévorer toute la plaine. « Ceci, dit le duc d'Ofena, de sa voix rauque et dure, ceci nous vient des Scioli, mais... » Il fit un grand geste de menace, puis il s'approcha de l'homme aux mains velues. Il était inquiet pour Carletto qu'on ne voyait pas encore. Il se promena de long en large par la chambre, d'un pas pesant. Il détacha d'une panoplie de longs pistolets d'arçon et les examina. Son père suivait chaque geste de ses yeux dilatés. Il haletait sur une pile d'oreillers. De temps en temps, pour s'éventer, il secouait le drap de ses doigts déformés et il demandait à Malzagrogna « Que voit-on ? Que voit-on ? » Tout d'un coup, Malzagrogna s'exclama. « Voilà Don Carletto qui vient, en courant avec le chaplain !» On entendit en effet des coups furieux à la grande porte. Peu après, Carletto et le prêtre entrèrent dans la chambre, pâles, effrayés, tachés de sang, couverts de poussière. Le duc, en voyant Carletto, jeta un cri. Il le prit entre ses bras, se mit à tâter tout son corps pour trouver la blessure. « Que t'ont-ils fait ? Dis, que t'ont-ils fait ?» L'adolescent pleurnichait comme une fillette. « Ici !» dit-il entre deux sanglots. Il baissa la tête et montra sur sa nuque quelques mèches de cheveux collées ensemble par les grumeaux. Le duc, délicatement, passa ses doigts dans les cheveux pour découvrir la blessure. « Tu souffres beaucoup ?» lui demanda-t-il. Le jeune homme sanglota plus fort. Il était fragile comme une vierge, avec un visage tout blanc à peine ombré d'un duvet blond. Il avait de longs cheveux plats, une bouche enfantine et la voix perçante. C'était un enfant que le duc avait eu d'une confiseuse de Benevento. « Ils vont venir, ils vont venir !» gémit-il en tremblant de tous ses membres, tourné de toutes ses larmes vers le balcon par où maintenant les cris montaient, plus proches et plus terribles. Le chaplain, à la figure de gros mouton tondu, qui avait une plaie profonde à l'épaule droite et tout le bras, jusqu'au coude, trempé de sang, avec une sorte de bêlement pénible, racontait comment tous deux avaient été poursuivis par l'émeute. Quand, soudain, le guetteur chauve s'écria « Nous y sommes. Ils viennent au palais. Ils sont armés. Une foule armée !» Don Luigi, laissant le jeune homme presque évanoui, courut guetter.